lui qui est de condition divine, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.